Yeah, la vie a fait de moi ce que je suis. Un jeune parmi tant d'autres avec la rage de vivre, car c'est ma seule devise. Je fais pas le mal pour remplir mon portefeuille, car je sais que c'est pas sur ma tombe que vont pousser des trèfles à quatre feuilles. J'ai pris le mic pour représenter. Ça m'a évité la galère de devoir charbonner sur les chantiers. Je me délivre avec sincérité. Les jaloux parlent, personne remplit mon frigo à ma place en vérité. Dans mon coin, ça deal sur des places de parking. En amour, j'espère pas tomber sur la future ex-femme de ma vie. Je préfère pas acheter de merco Benz, mais nourrir ma famille. Envoyer des mandats pour les frères au Hebs. C'est la même de Marseille à Paname, d'Algérie à Guada. Le diable est en Prada pour m'éloigner de la baraka. J'suis pas un usurpateur d'identité. J'peux pas me foutre de la gueule des gens car ils sont sans pitié. J'vais jusqu'au bout, j'te l'avoue. J'voulais dire, même si j'm'enfonce dans la boue. J'm'en fous et j'rappe dans ce monde de sourds. J'reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. J'voulais dire, j'vais jusqu'au bout, j'te l'avoue. J'voulais dire, même si j'm'enfonce dans la boue. J'm'en fous et j'rappe dans ce monde de sourds. J'reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. Dis mal, j'voulais dire, j'ai pas fait de longues études. Élevé à la dure avec la boucle de la ceinture. J'connais pas la lassitude quand il s'agit de se taire. Le terre-terre m'a transformé en machine de guerre. Scar l'a dévoué. La thèse avait des plans pour moi, mais je les ai déjoués. J'attise la jalousie des frères parce qu'ils ont échoué. J'suis la voix du sous-sol, là où les you-voix de saucissonne à la francisole. J'lance la passe, si ça mord pas, j't'affaux blague. J'ai pas peur de tomber dans le vide en mode acrobate. J'attends l'occasion de m'échapper de ma misère. J'ai froid, le bitume est glacial, pire qu'à Val d'Isère. Frollo, j'tiens le coup, grâce à toi j'suis dans la course. Merci, j'pensais que j'étais bon qu'à rapper dans la douche. Tu sais que dans mon cœur y'a une place au chaud. Toi qui viens des quartiers sales, plein de cas sociaux. J'voulais te dire, j'vais jusqu'au bout, j'te l'avoue. J'voulais te dire, même si j'm'enfonce dans la boue. J'm'en fous et j'rappe dans ce monde de sourds. J'reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. J'voulais te dire, j'vais jusqu'au bout, j'te l'avoue. J'voulais te dire, même si j'm'enfonce dans la boue. J'm'en fous et j'rappe dans ce monde de sourds. J'reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. De la tête, j'ai grandi dans une impasse, loin des strass. Sans le rap, mon avenir est dans la crasse. Les jaloux veulent ma place, devenu plus solide. Je chante et je rappe, c'est ce qui les rend trisomiques. J'voulais te dire, le rap c'est mon délire, je viens dire que j'écris des lignes, des rimes crédibles, je rédige la vie, des villes, l'esprit d'équipe, les flics, des billes, les petits délits, l'environnement est vite décrit. J'ai gueulé pour que tu m'entendes, on se connaît depuis longtemps. Je peux pas te trahir, tu fais partie de mon clan, Frollo. Quand je débarque en sueur sur scène, je veux que tu bouges la tête, que ça touche ton cœur qui saigne. Certaines diront de moi que j'ai triché, que je mérite pas tout ce qui m'arrive, les médias feront de moi un cliché. Écoute ma vie et celle des miens en paragraphe. On représente les jeunes des quatre coins de France à chaque page. Je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais te dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe dans ce monde de sourds. Je reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. Je voulais te dire, je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais te dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe dans ce monde de sourds. Je reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. Je voulais te dire. Je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais te dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe dans ce monde de sourds. Je reste dans mon coin, j'essaie de faire des sous. Yeah, El Matador, Brasco, tous les frères, toutes les sœurs, on est ensemble, la famille, le casse. Je voulais te dire.